Jodi a nou pral komanse yon sujet ki importan. Sujet sa, se li menm ki pwen de depar tout bagay. Nou vle pale jodi a de la parol de Diyo. Pa genyen anyen ko pral komanse nan la vi ou, ki pa komanse par yon parol. Pa gen anyen nan tout son ouè nan la vi a la ki fèt. Nan tout realizasyon, tout gros son ouè, yo komanse par yon parol. E san parol la, son ouè a pa prive fèt. Sok pral rive nan la vi ou la, depan de parol. Depan de parol ke swa ou tande a, swa ou pale a, swa ou mette nan kèr ou la, ki pral soti nan bouch ou a, e se li pral fè, sov le realize a, sov le fè a, fèt. Nou pral parle jodi a, de la Bible, la parol de Dieu. Se li menm ki point depar la. Jean 1er, verset 1er, di, au commencement ete la parol. Gade pou wè, parol la te la depi avan komanseman. E la parol ete avèk Diyo, e la parol ete Diyo. Donk nou komprann pou ki rezon, li te la depi avan komanseman. Donk la parol ete la avan le komanseman. Paske Diyo, se li menm ki pral pese bouton pou komanseman en fèt, donk li ete la avan. E la parol ete Diyo. Verset 3 dit nous tout bagay te fait par parole là. Pas dans rien qui fait qui pas fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Pourquoi? Parce que en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ouais dans 4 verset ça, nous gain parole pour nous parler déjà longtemps. Par an yen, pral komanse nan la vim, ki pa komanse pa parol la. An yen. An yen vle di an yen. Rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. Tout sa bon Dieu vle fè nan la vi ou, li dwe komanse par yon parol. E, parol la, se la vi, an el ete la vi. Donc ça parle by vie à ambiance dans Kaiwa ces paroles. Ça parle former nous parle ouais ça pita. Jean doit vivre là, c'est une parole. Donc c'est pour raison ça qui fait nous commencer par le commencement. Au commencement la parole. Nous parle fait une longue route ensemble. Mais boussole nous. Guide nous. Instrument important pour empêcher nous casser pieds nous, pour empêcher nous trébiter, pour empêcher nous tomber sous face nous. Ces paroles là. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, la Bible que nous gagnons la main nous là, nous gagnons sous table à caille nous gagnons dans valise nous, et avec la technologie qu'on y a, nous gagnons sous toute forme, nous gagnons sous téléphone nous gagnons sous ordinateur nous gagnons et sous CD que nous mettons dans la radio pour nous continuer tendre. C'est pour que aucun monde pas aucun excuse. Excuse devant mon Dieu. La Bible, c'est point de départ de toute bagarre. Et la parole, tout ça qui est bon, qui doit arriver dans la vie, commencez par parole. Et vous pouvez aller tout, nous avons pour nous ça plus loin. Lorsque vous retirez parole ça dans vous, vous retirez parole ça dans le cœur, ou bay automatiquement occasion pour yon l'autre qualité parole rentrer parce que place là pas prêté vide gon l'autre parole qu'a rentré là dedans et l'autre parole là pour le café ça doit faire dans la vie ou là faut le prendre place là tout donc c'est peut-être ça qui fait zamim m'invite au comme moi dit déjà chita prends temps pour préparer avenir à partir de jeudi ensemble avec nous. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous parlons chita ensemble, nous pas pressé ou pas pressé, nous avons la Bible dans la main, nous sommes sous table nous là, crayon nous la main, nous crayon couleur nous la main, nous parce que des fois nous pas obligé souligner quelque bagaille, mettre couleur sur yo pour le n'est plus nous besoin nous joindre nous attirer nous donc nous pral font travail important rentrer dans parole là pour nous by forme à la vie nous parce que libral dit nous dans hébreu que c'est par la foi que nous croyons que toute bagaille tes joints forme a été formé par la parole de Dieu. Donc, quand nous gagnons la parole de Dieu avec nous, nous gagnons Dieu parce qu'il dit et la parole était Dieu. Zamim, nous gagnons pile parole là déjà pour nous t'a dit avec trois versets ça. La parole était Dieu. En elle était la vie. Lorsque mes paroles là la même, mes paroles là à disposition, mes bon Dieu avec. Deutéronome 30 verset 11 dit: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta pensée. Il n'est ni dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Gardez. Verset ça dit, commandement ça, parole ça, que m'dou là, li pas loin. Li pas caché. Li pas dans le ciel. La pi a moun di mouin. Et c'est juste dans le ciel là lié, et barre moun qui pourra le chercher le pour moi. Pi a moun di, li juste bon l'autre bon océan donc même pas qu'on nage ni pas gen bateau m pa gen moun ki pral chèche l pou mwen puis ga moun di parole la loin pour qui raison verset 14 là de Théonome 30 14 dit c'est au contraire une chose qui est tout près de toi parce que bibola m'ai l'impression le bon koto là là kounya il a parlé de lui elle est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça déjà dit moi, on bagaille pour m'étant clé la donne là. Parole ça, li tout prem lan là, gagne comme un livre devant, mais li pas de rester dans livre là là. On va dire non pour qui raison. On va aller dans Psaume 51. Psaume 51, son psaume que nous connaissons, un psaume qui pas en pile monde qu'on récite, psaume de David. Dans Psaume 51, il dit verset 8: mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse. Dans la version 8 secondes que nous tous soumettons, en fait, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Bon Dieu prend plaisir lorsque vérité a en dans son cœur. C'est pas juste gain Bible là sous table là. C'est pas on connaît gain monde montrer de belle Bible et qui gagne bel petit dessin là-dedans ou Bible qui gagne bel petit bagage sur côté, qui Bible qui gagne belle couleur en or sur côté, bel petit Bible bien imprimé, belle couleur, belle petit pochette. On comprend ça, c'est bon, c'est belle. Mais c'est pas ça qui est important d'abord. Bon Dieu dit, je veux que la vérité, la parole, soit au fond du cœur. Nous retournons dans Deutéronome 30, là, verset 14, qui dit, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, faut me faire qui ça? Livre-là que je viens même dans la Bible, là. Faut me prendre lit pour me mettre dans le cœur. C'est là le fait, bon Dieu, plaisir. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est là le fait, il prend plaisir. Pour que la parole soit capable d'en fond cœur. Et le fond cœur, il dit, afin que tu la mettes en pratique. Zamim, frère, la parole de Dieu, c'est point de départ de toute bagaille. Et parole ça, li pas loin, li tout près, li disponible, li nan bouche moins, moi pour mettre dans bouche moins bien sûr, parce que li gen li bon côté maintenant, il faut que li nan bouche moins et faut que li descend nan cœur. Moins capable commencer la vie à tout moment parce que gen parole là disponible pour moi. Je n'ai pas aucune excuse pour me dire pas de parole là, pas de connaît. D'ailleurs, la Bible dit nous, pas aucun monde qui pourra le camper devant bon Dieu pour dire pas de connaît. Parce que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Pour que aucun monde ne pas venir dire pas de connaît. Et il dit moins, alors viendra la fin. Donc, nous avons pour nous ça. Puis devant. Maintenant, parole là, c'est lui-même qui pointe départ là. Pas gain création sans la parole. Tout ça, bon Dieu, pour le faire, que le créer soleil, que le créer la lune, que le créer étoile, que le créer zèbre, que le créer fruit, poisson, même l'homme, tout ça, bon Dieu, pour le créer l'éternel. Toujours passer par même principe là, au commencement, la parole. Si nous allons dans 1 Pierre 1er verset 23, nous allons lire un bagaille là, 1 Pierre 1er verset 23, il dit, 1 Pierre 1er 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Là, nous parlons de quelqu'un qui a une information là. Ça nous est les nouvelles créations. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle création, il fait tout par la parole. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Le nom dit que nous naissons de nouveau. C'est la nouvelle création. Nouvelle création, hein, elle commence toujours par la parole. Et texte l'a dit, la parole vivante, ça fait le café nous en vie, et permanente de Dieu. Nous sommes créés ou régénérés, nous refaites par la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque bon Dieu parlait, et moi-même, moi, ouvrez oreille moi pour m'entendre ça le dire, l'Esprit de Dieu entrait et ça le fait, lui planter dans comme parole ça. Parole, ça, c'est les mêmes qui semence là. Nous parlons, ouais, puis devant, le Jésus dit, et yon semeur sauti pour la semer, et il a expliqué parabole là, il dit, le semeur sème la parole. Ça, que Saint-Esprit a semé. L'homme prend Bible moyen. L'homme prend Bible moyen. Mouvel, m'lis un verset. Verset ça que m'lis, depuis m'lis, c'est lui-même que bon Dieu prend comme une semence. Et semence ça, une graine là, c'est lui qui vient planter dans le cœur. C'est pour ça l'important. Tout ça, bon Dieu, pour le faire, pour moyen, doit passer par le même processus là. Lui prend parole là, qui est dans le livre là, l'important pour me prendre dans le livre là. Lui prend dans le livre là, et l'homme parle lui, il me parle dans les oreilles moi. C'est par les oreilles moi pour le passer, pour l'entrer dans le cœur. Et lorsque parole ça me parle, le Saint-Esprit prend lui comme une semence, lui vient implanter dans le cœur. Et c'est parole ça qui pral germer pour bail ça que nous pral reler la nouvelle création, la nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est peut-être ça que fait en même. Point l'important, tout ça moi pral fait dans la vie. Li commencer par yon parole. Tout ça, bon Dieu, a fait dans la vie, commencez par sa parole. Si vous avez besoin d'un changement dans la vie, commencez depuis Kounye. Vous voulez un changement dans la vie, prenez décision, prenez parole, bon Dieu, mettez-le devant vous, et nous prenons ça, en nous courir l'île pour nous capables de bien comprendre ce que je dis là, en allant dans Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Là, je dis, il y a un bail processus qui Jean bagaille fonctionner dans le monde de Dieu, dans le royaume de Dieu. Proverbe 4, il dit, verset 20, mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Voilà, Zamim. Tout ça, vous voulez faire, commencez par le même processus. Ça. Qui ça pour me faire? Prends parole là, mettez-le devant les yeux. Prends parole là, mettez-le dans l'oreille, moi. Prends parole là. Fais le descendre dans le cœur. Et pas gain yon l'autre moyen que pour parole là arriver dans le cœur que par yeux et par oreilles, moi. Zamim, ou est lorsque un jeune garçon a filé une jeune fille, qui ça le fait? Li vin balé ti parole. Li parle dans l'oreille. Li balé ti parole. Li parle dans l'oreille. Li balé ti parole. Ou bien, li écrit li yon belle ti lettre. Li écrit li l'autre ti lettre. Donc, damnan ça le fait. Zyeul sou lettre la, zyeul sou parole ti garçon. Ou bien zoreille li la attendé ça l'a dit ya. Zyeul nan lettre la, zoreille li attendé, zyeul nan lettre la, zoreille li attendé, c'est qu'on sa parole ti garçon ça rive atteindre que ti fille. Et on le fit arrêter, il dit, je te donne mon cœur. C'est le même processus là. Tout ce que vous réaliser, passez par le même processus là. Bon Dieu dit, nous là, mettez parole là devant Dieu. La Bible, c'est lettre ça que l'Éternel écrit, belle petite lettre là, mettez-le devant Dieu. La Bible, c'est ti voix ça qui vient parler dans oreille ou mettez-le dans oreille. C'est toute sorte que vous faites. Mettez-le devant yeux, mettez-le dans oreille. Mettez-le devant yeux, mettez-le dans oreille. Mettez-le devant yeux, mettez-le dans oreille. Et la descend qui bat dans cœur. Et une fois que le rivé descend dans cœur, automatiquement l'ipral c'est un coup yon semence comme semer dans une terre, automatiquement, li pral pousser, germer pour produire ça me voulait produire. la parole de Dieu, Zamim, c'est lui-même qui point de départ de toute bagaille. Si, gon bagaille pour comprendre, alors que n'a commencé voyage ça, un voyage qui long en pile, mais pendant voyage ça, nous pral chita des fois, nous pral rete pour nous voir des choses extraordinaires, des exploits que nous pral réaliser pendant que n'a fait route là, n'a ouais au sous tout passage nous, tout ça yo commencé par parole là. Ça veut dire qui ça là? Ça veut dire pendant voyage ça, gen on sait de bagaille que m'a semé jodi à là dans cœur que m'a récolter quelques années plus tard. Bon tout dit nous ça. Parole bon Dieu hein. Lorsque parler, qui ça le fait lui-même, lui devancer toujours. M'a moi dit samedi hein. Mon bagaille peut-être qu'il doit me besoin faire arriver dans la vie 20 ans plus tard. On commençait le jodia par une parole. Pour quelle raison? Je conseille de pied bois. Leur besoin pied bois ça, il prend semence pour l'ia et ça prend tal pour le former. Si me besoin prend gagne un pied mapou pour me gagner semence mapou, mais l'homme semer semence mapou, c'est pas demain matin pour gagner pied mapou. Il va le prendre temps li, mais le temps l'en fin rivé, le rivé devant ma proue, ma poum là là. Conseil de bagaille dans la vie, besoin réaliser, faut chercher semence là, et non pas loin qui japonde semence là, et commencer planter. Donc je dis à nous commencer planter parole bon Dieu dans la vie. Des fois, nous besoin résultat rapide. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous voulons un résultat, mais si nous voulons gagner un pied ma pou, li pas pousser même Jean Zeb. Zeb pousser jodi et puis demain tout le fini. Mais ma pou va prendre tal. Nous voulons voir plus tard que la Bible dit les justes croissent comme le palmier. Palmier, elle a poussé le printemps, mais elle a poussé le pousser tout droit. Il est la poussé, le poussé, wow, il rive, wow. Et même là, il rive côté, il rive, ya. Il voit un petit flèche bien, wow, il dit, si ma monte toujours, mais qui j'en brale, tout droit. Le juste, c'est un coup, un pied bois lié. Un palmier. Maintenant, important pour me songer, quel que soit, ça me voulait réaliser dans la vie, c'est pour moi, commencer toujours, par la parole de Dieu. Zamim, sambola jodia, c'est plus gros clé que m'ta capable bao au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus, le levin sous terre à lui-même, n'est pas utilisé l'autre moyen que la parole. Qu'on fâché, qu'on pas fâché, il pourra l'utiliser seulement la parole. Il va l'expliquer dans sa pied devant par l'apôtre Paul. Il pourra dire nous que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Hey! Bon, me fait geste là. Attendez, non. Quel que soit son pral réalisé dans la vie, quel que soit la bataille qu'on pral mener dans la vie, hein, qui ça pour faire premièrement râler péo? Qui ça qui péo? La parole de Dieu. Ouh! Râler péa. Me fait geste là, on a l'impression de faire tout côté. Quel que soit problème ou gagne, on dit non. Quand combat va mener là, qui j'en pour mener un combat d'abord, faut me prendre quoi? Épée moi, qui ça qui péa? La parole de Dieu. Il est écrit. La Bible dit. Et puis me dit ça, me râler péa. C'est point qui est important. Pas jamais commencer un bagaille avec propre tête tout. Pas jamais commencer un bagaille avec propre réflexion, avec propre raisonnement. C'est peut-être ça que fait. On va mal lire un verset ensemble avec nous. On a lu dans Proverbe chapitre 16, verset 1er. Proverbe chapitre 16, verset 1er dit: les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Verset 9 l'a dit, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » On a le plus loin, on a le Proverbe 19, verset 21. Demandez-nous, faut nous gagner un bagage pour nous souligner. Verset ça, faut que nous gagnions le souligner dans la Bible, pas dans même genre, pas dans le souligner en rouge. Nous-mêmes, chercher couleur pas nous, souligner verset ça. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, beaucoup de plans, beaucoup de projets. Donc, pile bagaille qui passait là dans calebasse tête, non, que t'as envie fait, que t'as envie réaliser, en pile projet. Oui, la Bible reconnaît qu'il y a un pile projet. C'est des dispositions de cœur, c'est des plans, des pensées. Côté nous voulons mener la vie, nous. Côté nous voulons aller. Mais texte l'a dit, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Si m'intelligent, verset ce que nous lis avant, verset Proverbe 16 l'a dit, moi, les projets dépendent du cœur de l'homme. Ça veut dire, c'est moi qui pral fait projet, moi qui pral fait plan, mettez plan sous papier, mettez projet à là, mais forme songe yon bagay, Proverbe 19 la dit, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Moins intelligent, qui ça passe? M'a fait plan, m'a fait projet, m'a fait programme là. Mais moins connaît que c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplira finalement. Alors qui ça pour me faire? L'important pour moi, prend projet là. Les m'a construit projet maintenant, les m'a construit plan maintenant, pour moi tout fait projet maintenant plié en bas volonté bon Dieu. C'est dans ce sens ça nous gagnons Bible qui sous table à caille nous. Qui texte l'a dit nous l'il tout à l'heure, c'est à votre portée, li pas loin, li pas dans ciel là pour dire qui monde qui pourra venir chercher pour moi, c'est tout près de toi, c'est dans ta bouche et dans ton cœur. Donc, ça veut dire, quel que soit, ça me voulait faire dans la vie, ça me voulait bâtir dans la vie, quel que soit ça m'a concevoir dans la vie, il faut planifier toujours avec l'Éternel. Donc, puis quelqu'un me dit, mais comment on va le faire connaître et penser l'Éternel? Bon, lire un petit bagaille. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, verset 11. Bon, faut lire yon petit bagay là. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous pral gagner pour nous noter verset sa yo, parce que yon important pour que nous connaissons yo, et n'importe là, nous sommes capables de gagner référence, aller à yo. Verset Adim, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Gardons bagaille. Bon Dieu, gagne un plan pour nous. Et c'est volonté bon Dieu qui a accompli. Mais tout, verset nous lit là, dit-nous que le malin, Satan, gagner des programmes tout, des plans tout. Et, verset 1 dit, nous-mêmes, ça nous gagne comme et avance, c'est que nous connaissons plan machiavélique, lio. Et tout plan, lio, c'est toujours mauvais plan. Pourquoi ça m'a dit ça? Parce que Proverbe 12, verset 5 dit, à nous courir là-dedans tout, Proverbe 12, verset 5 dit, pensez, monde qui est juste, toujours juste. Hey! Qu'est-ce que ça? Les pensées des justes ne sont qu'équité. Monde qui juste, toute sale pensée, c'est bon bagaille. Et les desseins des méchants ne sont que fraude. Toute sa méchante pensée, toutes sont fraudes. Pas dans rien que bon la donne. quel que soit Jean l'enveloppé cadeau, quel que soit Jean emballé le beau, quel que soit belle couleur sous lit, en dans boîte là on a besoin toujours gagner un orange pourri là-dedans. Nous avons des fois là il y a une conseil de monde qui mettait et il y a vend un orange, un panier mango, un panier bagaille. Ils mettaient deux trois belles en lait et ensuite en bas plein moribond, plein orange pourri. Les voix des méchants ne sont que fraude. Quel que soit Jean le paraît belle devant, en bas, les gagnants, yon faux mamite la donne. Donc, c'est peut-être ça que fait. Chaque fois que ma fond plan, forme toujours gagnant la parole de Dieu avec comme support, moi. C'est peut-être ça que fait. Quel que soit plan ma fait, moyen pour moi, parce que et la Bible parle dit moi qu'imbé la parole de Dieu, les armes de Dieu pour me capable et éviter toute ruse Satan, parce que les manœuvres du diable ce sont ses ruses, et quel que soit ça lui présenter devant, on connaît à la racine gagne un faux mamite la donne, bon menti la donne, bon fraude la donne. Maintenant, Proverbe dit moi, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup de plans, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est peut-être ça que fait, qui ça pour me faire, c'est pour moi prendre parole bon Dieu, hein? Chaque fois je voulais faire un plan dans la vie, pour plan la vie toujours gagner comme base, comme fondation, hein, la parole de Dieu, parce que moi sûr que lorsque je gagne à la racine la parole de Dieu, kay moyen l'a supporté tout choc parce que base la solide, projet nan l'a réussi parce que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc moi connais automatiquement que moi gagne à la racine comme fondation, c'est sous l'im va poser bloc la vie, automatiquement moi connais m'a réussi quand même. Je le sais parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui base solide pour tout semble fait dans la vie. Proverbe 16 dit, Proverbe 16 verset 3, en nous courir dans ça tout, Proverbe 16 verset 3 dit moi, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Verset a dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommander, ça veut dire qui ça? Moi, profond, dis-nous déjà que chaque mot dans la Bible, gagne, c'est un coup, yon bout mamit. Moi, j'aimerais lire yon bout kit. En d'un bokit ça, il y a une bonne bagaille là-dedans. Des fois, l'homme joue un mot dans la Bible là, que je ne pas comprendre. Et des fois, Jean traduit le mot pour nous, dans la langue que nous avons utilisée, en français, ou bien en anglais, ou bien en créole, quelle que soit la langue que nous avons utilisée. Mais en d'un mot, il y a plus que ça. C'est peut-être ça que fait, nous-mêmes qui gagnons chance pour nous retourner dans original côté Bible a été écrit là, dans grec pour Nouveau Testament ou dans hébreu ou Ancien Testament, gagner à disposition nous. Moi dis nous déjà au départ que qu'on y a, nous gagne la Bible sous toute forme, nous gagne la Bible dans téléphone que nous gagne la main nous là, et non seulement nous gagne la Bible, mais nous gagnons une série de outils qui accompagnent. Nous gagnons tout dictionnaire grec que la Bible utilise, il y a là-dedans, tout. Tout lexique hébreu grec, il y a là tout. Donc, on est capable, à volonté, à le tester, à le souyo, pour dans un seul mot, tout ça qui est là-dedans. Nous faisons tirer aller ça. Et parce que nous avons une bonne route pour nous faire ensemble, et des fois, nous arrivons sur un mot que nous ne pas comprendre, nous sommes obligés à le faire fouiller dans le mot pour nous connaître tout ça livre dit. Texte là dit, recommande ton sort à l'Éternel. Font une recommandation. Et souvent, dans nous entendons recommander, généralement, nous pensons que recommander, on veut dire, bon, nous finissons faire programme, nous finissons faire projet, et puis dit, bon, l'éternel, mais je recommande le programme. Nan. Et c'est un problème qui passait souvent, nous faisons projet, nous faisons tout à fait nous planifions de A à Z, mais je ne vais pas réussir, mais ça, nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le prêter tant qu'on pour nous faire ceci, nous ne pouvons pas le faire ceci, nous faisons tout le plan, nous. Ensuite, nous venons, nous disons, bon, la Bible a dit, nous recommandons ton sort à l'éternel, alors l'éternel, bon, mes programmes, non, mes projets, nous finissons de faire, et puis, mes lignes, ou même bénis, fait le fait. Il t'apparaît simple comme ça. Mais sauf que, nous obligés à aller dans le mot recommandé à lui-même. Mot recommandé, son terme hébreu, galal, qui veut dire rouler ensemble, couler, rouler. Donc ça veut dire qui ça déjà? Rouler projet ensemble avec l'éternel. Ah! C'est pas faire toute bagaille sans lit, sans tendez ça le dit, sans prendre conseil en même. Et là, on finit faire tout programme, ou finit faire tout affaire, ou chercher tout gens pour chercher Mario, ou tous les outils pour chercher Negla, là, on finit faire tout compte mal taillé, et puis bap ou jouer Negla, et pour venir avec, ou dire l'éternel, mais lui, bénil. C'est pas comme ça le fait. Texte l'a dit, ou les projets ensemble avec l'éternel. Ça veut dire qui ça? Depuis le programme n'a fait, depuis le projet a fait, faut l'éternel chita dans même table comité à tout. Ah, faut l'éternel dans comité à tout. Pour qui raison? Parce que me connaît que c'est conseil pas lié pas réussi dans projet là. Donc si là m'a fait projet là, depuis avant me fait projet là, mettez-le dans comité là. Donc projet là m'a roulé l'ensemble avec, recommande ton sort à l'éternel. C'est rouler, ouais les mots hébreux, ouais ça me dit nous, mots hébreux éclairer dans sens ça. C'est pas fait tout à fait parce que m'a dit nous bagaille. Nous qui pour nous ouais ça puis devant. Si Satan réussit mettons idée dans tête tout ou préparer tout à fort li gen idée pas la donne donc automatiquement pour jour là gagne yon problème la donne parce que l'éternel pas capable faire projet Satan marcher. C'est pour ça faut depuis dans préparation programme non ou déjà barrer route barrer en haut barrer en bas et qui genre barrer en haut barrer en bas par la parole de Dieu, parce que c'est lui-même qui est l'épée de l'esprit, qui l'a pour barrer en haut, barrer en bas contre toute mauvaise idée du mal. Recommande à l'éternel ton sort. Ça veut dire, enroule les projets, ou les mariages, ou les santé, ou les finances, ou les études, ou les entreprises, ensemble avec l'éternel, et m'bo garantie que réussite la fête. Parce que, parti par l'éternel là, conseil par l'éternel, yo, pas qu'à échouer. Et si on roule ensemble un programme ou un, ou pas jamais capable de perdre, parce que 2 Corinthiens 2,14 dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est pas on le, non? Toujours. Il nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, parti par bon Dieu, lui fait nous réussir pas un seul jour, pas un le, mais toujours. Et lorsque c'est constamment mappé, rouler projet à la main éternelle, constamment mappé et dans le comité à bon table là, moi là, l'autre monde là, la, mais l'éternel là tout. Donc, sans penser l'éternel. Ah, sans penser Seigneur, l'abdou sans penser. Comment l'abdou lit? Par la parole de Dieu, par la Bible qui bokoto là. Et qu'est-ce qui arrive lorsque ah non, pas le dire, moi encore nous pas le dire, mais dans 21e siècle ça, comment on va le faire connaître qui ça bon Dieu dit? Mais justement, on fait que ce dolé là. Bon Dieu parlait toujours par la bon fait nous le verset. Jean 10 verset 27. faut que nous commencions par un problème avec le m'a fait nous les versets parce que moi dis nous ça déjà la Bible sous table à bon côté maintenant là donc Bible c'est les mêmes qui bon Dieu et si c'est bon Dieu qui parle avec nous c'est Bible pour parler c'est pas moi pour parler donc proverbe alors Jean 10 27 dit on nous a la donne Jean 10 27 dit gardons verset mes brebis entendent ma voix moi je les connais et elles me suivent ça le dit là mes brebis entendent ma voix. Je les connais, moi, et elles me suivent. Mes brebis, nous pas dire, mais dans le 21e siècle, ça, comment on fait tendre la voix de Dieu? Mais le fait que ça dit nous là, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Regardez verset 26 là. Verset 26 là dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Waouh. Eh bien, je vais me dire non bagay. Nous pas tendez la voix de Dieu parce que nous pas non pâturage li. Si nous n'en pâturage li, n'attendez parce que li constamment a parlé. Nous te lis au départ, Hébreu, qui nous dit, la parole de Dieu soutient toute chose. Bon Dieu soutient toute bagaille, tout ça qu'a fait, tout ça qu'a roulé, toute étoile, il a roulé toujours, maintenu par la parole de Dieu. Donc ça veut dire, c'est constamment que la parole de Dieu, sous chaque feuille, sous chaque fleur, sous chaque petit vent, sous chaque petit brise, chaque fois qu'on voit le soleil éclairé, chaque fois qu'on voit la lune dans le ciel, ou aux étoiles, chaque fois qu'on passe au l'homme, ou tant aux oiseaux, Dieu parle. Dieu parle constamment. Et il a maintenu la création, il a maintenu toute bagaille en fonction par la puissance de sa parole. Donc ça veut dire qui ça? Nous pas gagné aucune excuse pour nous dire que bon Dieu pas parlé. Et il parlait, il constamment parlait, mais il dit si ou pas dans pâturage là, ou pas entendre. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amis, l'important pour nous entendre la voix de Dieu, l'important pour nous rentrer dans pâturage là. Parce que le secret de la vie. Le secret de ta vie passé par la parole de Dieu. Toujours, toujours, toujours. La parole de Dieu, c'est lui-même qui point de départ pour baou la vie, pour baou ça que ou connaît ou mérité de bon dans la vie. Tout chose est maintenue par sa parole. Tout ce que vous voulez créer dans la vie, hein, tout bagaille bon que vous voulez arriver dans la vie, il hein, passe toujours par sa parole. Et, pas faire projet, juste pour faire projet, ensuite pour venir dire bon Dieu, mais il bénit. Ça ne marche pas ainsi. Le ça, ou pas capable, ou est piégeux. Mais faire le contraire. Texte l'a dit, moi, nous retournons sur les jeudis, hein? En résumé, roulez projet avec l'Éternel. Roulez projet avec l'Éternel. Tendez la voix de Dieu qui parle à vous. Par quoi? Par la parole. Et lorsque vous roulez projet avec vous, constamment tendez le projet à nous faire ensemble, et réussite, projet à déjà assuré. Pourquoi? Parce que parti par bon Dieu, hein, réussit toujours. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours. C'est pas on le, mais toujours. Je dis à Zamim, m'invite pour capable bâille la Bible yon place qui importante dans la vie. Et vous qui place ça? La première et la meilleure. Première place là, C'est pour la parole de Dieu. Pour qui raison? Parce que, nous te wel déjà, lorsque moi gagne la parole de Dieu, moi gagne Dieu. Pourquoi? Parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque j'ai la parole de Dieu avec moi, j'ai Dieu. Donc, le bagage a commencé à venir plus facile pour moi. Le plus facile pour moi, parce que parole est disponible. Bon Dieu disponible. Bon Dieu bon côté, bon Dieu avec, il est disponible. Et parole là, c'est graine que m'a planté pour me vouloir réaliser, ça me vouloir réaliser. Ou même qui a un problème santé, ou besoin de joindre une graine qui produit santé, qui bon pour joindre dans la parole là. Ou même il y a un problème finance, faut joindre semence qui pour produire finance qu'on besoin. Quand on pour joindre dans la parole là. Ou même qui besoin faire un mariage qui réussit alors que on vit dans un monde côté tout le monde échoué, ou même faut joindre semence qui pour le bon mariage réussi pour là qui bon dans la parole là. Alors, mais ça pral fait qu'on y a. Parce que ça, par la parole dit, li tout préau, mettez-le dans bouchou, mettez-le dans oreillou, proverbe 4, mettez-le dans oreillou, mettez-le dans bouchou, pour le descendre dans cœur, le dans cœur, cœur, c'est lui-même qui jardin, côté parole, bon Dieu, y a, capable de pousser. Psaume 51, on recommence, dit, tu veux que la vérité soit où ça? Au fond du cœur, c'est pas sous table là qu'elle là, c'est en dans cœur. Ça ne veut rien dire si mon Bible sous table là qu'elle là. C'est belle bagaille mais ça pas veut dire rien. Toute bagaille là, c'est Bible là que m'a rien, parole qu'il a dans yo pour lui tomber dans cœur et pas gain l'autre moyen pour lui venir dans cœur que chita Dieu me souli, j'aurais moins la donne. Et maintenant, on va rouler santé avec l'Éternel. Comment on va rouler santé avec elle? Par semence parole. On va rouler financement avec elle. On va rouler financement avec l'Éternel. On va rouler l'entreprise que je voulais faire avec l'Éternel. On va rouler mariage moi avec l'Éternel. On va rouler éducation timoun moi yo avec l'Éternel. Et là on prend habitude rouler vie mavel, mon assurance qu'il me fait toujours triompher en Christ parce que les projets sont dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a prêté là aujourd'hui, dans la première partie étude ça. La prochaine fois, nous pourrons continuer. Et nous pourrons voir qui Jean pour nous faire la Bible prend place dans la vie nous. Et nous pourrons apprendre tous les outils que la Bible a gagné là-dedans, que nous devons utiliser pour rendre que nous gagnions une vie correct, yon vie victorieuse à la gloire de Dieu pour bonheur nous, bonheur petit nous, bonheur mari nous, bonheur madame nous et pour tout le monde qui bon côté nous, parce que texte l'a dit, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.